la maison familiale respirait le calme. Mais le calme nouveau de mon existence était ma toilette du condamné. Je me croyais meilleur fils parce que j'en avais un. Un jour, à midi, mes frères revinrent de l'école en nous criant que Marthe était morte. La faute qui tombe sur un homme est si prompte qu'il ne souffre pas. Mais c'est pour celui qui l'accompagne un triste spectacle. Tandis que je ne ressentais rien, le visage de mon père se décomposait. Il poussa mes frères. « Sortez ! Bégaya-t-il, vous êtes fous ! Vous êtes fous !» Moi, j'avais la sensation de durcir, de refroidir, de me pétrifier. Ensuite, comme une seconde déroule aux yeux d'un mourant, tous les souvenirs d'une existence, la certitude me dévoila, mon amour, avec tout ce qu'il avait de monstrueux. Parce que mon père pleurait, je sanglotais. Alors, ma mère me prit en main. Les yeux secs, elle me soigna, froidement, tendrement, comme s'il se fût agi d'une scarlatine. Marthe, ma jalousie la suivant, jusque dans la tombe, je souhaitais qu'il n'y eût rien après la mort. Oui, c'est bien le néant que je désirais pour Marthe, plutôt qu'un monde nouveau où la rejoindre un jour. La seule fois que j'aperçus Jacques, ce fut quelques mois après. En voyant ce veuf si digne et dominant, son désespoir, je compris que l'ordre, à la longue, se met de lui-même autour des choses. Ne venais-je pas d'apprendre que Marthe était morte en m'appelant et que mon fils aurait une existence raisonnable ?